sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 393 qui commence maintenant. We'll be right back. Voilà, à l'instant, le morceau qui vient d'entamer l'émission est signé Seven Time Pigs. Et le nom du groupe, c'est Pigs, cette fois à la suite. Hein. Le morceau s'appelle Atlas Stone. C'est leur quatrième album depuis 2017. C'est un sextet qui nous vient de Newcastle, amené par le chant teigneux de Matthew Batty. Les guitares sont lourdes et saturées. Le tempo est pachydermique. Les ambiances sont noires, avec une certaine propension au second degré. Et au niveau genre, on est un peu entre hard rock, stoner metal, rock prog et rock psyché. Voilà, le tout étant sur cet album-là, en tout cas assez groovy et énergique. Sinon, au programme de cette émission, il y aura une petite séquence heavy shoegaze, on va dire. Une séquence rock in the 90s avec le premier album de la semaine signé Man on Man. Il y aura une séquence, on va dire, plutôt synth-pop, un peu déjantée. Il y aura une séquence hip-hop, il y aura de la new soul, un second album de la semaine avec la grande Michelle Ngeocello. Il y aura une séquence pop indolente, il y aura une séquence un peu diva-pop. Et on terminera par du drone avec le troisième album de la semaine signé par le grand T-Maker. Donc de suite, on commence avec de Levi Shoegaze et avec Evan Ward, projet solo de Katmin Mwager, qui était anciennement leader du groupe Teenage Whist, qu'il a cessé, et qui avait également un autre projet solo, plus électro-indé, qui s'appelait The Chain Gang of 1974, avec qui il a eu un certain succès, notamment via des musiques de jeux vidéo, de GTA en particulier, je crois. Voilà, c'est quelqu'un qui sur ce projet-là, Evan Ward, recycle avec talent du shoegaze, de l'emo, du gothique, du punk hardcore et du post-hardcore. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Something Real, donc il est tiré de ce premier album qui s'appelle Pyrophonics. Change you. Juste après, Evan Ward, on est resté un peu dans le même style avec Rose Nice. Leur premier album également, c'est un duo de Richmond en Virginie. L'album s'appelle Nowhere Safe. Le morceau que vous avez écouté s'appelle Roll Credits. C'est du heavy shoegaze à forte composante emo. Le tout égorgé de riffs post-hardcore. Voilà, l'album est gavé de tubes potentiels, le chant est clair et ample du chanteur Jason Eyre, c'est son pseudo. Il y a des synthés ingénieux, voilà, c'est une belle machine à transformer tristesse et mélancolie en énergie revigorante. On poursuit avec notre premier album de la semaine, qui nous vient également des États-Unis, qui est signé Man on Man et qui s'appelle Provincetown. Donc c'est leur second album depuis 2021. Je crois qu'on avait écouté déjà des extraits de leur album éponyme d'il y a 2 ans, là, 2021. Voilà, c'est un duo composé de Roddy Bottum, leader de Imperial Team et claviériste de Faith No More, et de Joey Holman, son compagnon, qui est leader du groupe Holman. Voilà, ils sont également accompagnés du bassiste Joey Howard, surtout sur scène, je pense. L'album est une usine à tubes indie rock 90s. On oscille entre lo-fi, slowcore, légèrement shoegaze, grunge, synth-pop. Voilà, à la fin de l'album, il y a même une jolie ballade et il y a une collaboration avec Jemaskis, le génial guitariste de Dinosaur Junior. Voilà, il y a également des clips assez marquants dans lesquels ils ne cachent rien de leur relation, ni de leur anatomie d'ailleurs, je crois. Voilà, on va écouter 2 extraits de cet excellent album très revigorant, très tubesque. Le premier s'appelle Glory Hole, le second s'appelle I Feel Good. Man on Man, c'est parti. Juste à signaler, si vous voulez les voir sur scène, vous avez peut-être de la chance. Il y a un concert le 22 novembre le 29 novembre au Connexion. Je pense que ça pourrait valoir le coup. Voilà, Man on Man, c'est parti. stop just in case. Yeah, you can't win them all, but I want so bad to. And the winner in me loves the lover in you. See, the trophy's obnoxious, I want it, of course. Try not to be toxic, just take it, it's yours, okay? À l'instant, c'est le morceau I Feel Good tiré de l'excellent album Province Town, mon premier album de la semaine signé Man on Man, dont je rappelle qu'il sera en concert aux Connexions le 29 novembre prochain et que je pense que ça vaut bien le coup. On poursuit avec une séquence un petit peu, on va dire, électropop et on commence avec les très dérangés HML TD. Quintet londonien amené par le très dérangé également Henry Spichalski. C'est leur second album depuis 2020. L'album s'appelle The Ward et c'est un projet un peu barré, un concept album qui détourne une ballade folklorique de Northumbrie dans lequel un prince terrasse une princesse transformée en verre. Et là, ça le détourne en disant qu'elle donne naissance à plein de petits vers qui envahissent la terre et avec lesquels il faut bien vivre, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà, c'est une espèce donc d'opéra synth-rock complètement déjanté entre électro, new wave, post-punk, country, funk. Des fois, ça peut faire penser un peu à Chic Chic Chic, mais c'est quand même assez personnel. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Saddest Worm Ever, donc HMLTD, donc tiré de The Worm. C'est parti. Small affair, You outdance me to my deathbed. Like a gun to the head, like a gun to the head. Maybe next time you won't let me fail you twice. You outdance me to my deathbed. What's the difference? What? donc juste après HMLTD, on a écouté un No Mortal Orchestra, donc tiré de leur dernier album qui s'appelle 5, qui est justement leur cinquième album depuis 2011, ça tombe bien. C'est un quintet néo-zélandais basé à Portland, dans l'Oregon, mené par les guitaristes et songwriters Ruben Nilsson et le bassiste Jacob Portrait. C'est un double album sorti chez Jacques Jaguar. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Meshuga d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Voilà, sinon l'album est une mosaïque rock psychédélique, soft rock, yacht rock, hip-hop et même parfois funk ou sonorité hawaïenne. Les productions sont brumeuses, le songwriting est assez obscur. S'alternent des morceaux dansants et d'autres plus contemplatifs, des épopées fantaisistes et des instrumentaux méditatifs. C'est un album bizarre mais intéressant. Vraiment, cet album de No Mortal Orchestra nommé 5. On poursuit avec une séquence hip-hop et on commence avec la première collaboration entre JPEG Mafia et Danny Brown. La collaboration s'appelle Scaring the Ooze. Donc JPEG Mafia, c'est un rappeur de Baltimore, très provocateur, maître du sampling et du beatmaking. Danny Brown, c'est chanteur de Détroit, à la voix nasillarde et au flow convulsif, ainsi qu'au sens aigu du rythme. Voilà, l'album se situe dans le hip-hop expérimental. Ça fourmille d'idées et de samples, ça ne laisse aucun repos. C'est très caustique, c'est provocateur, il y a une mourir référencieux. Il y a pas mal de gens qui sont pris pour cible, notamment Elon Musk ou le rappeur Jack Harlow. Voilà, derrière le chaos apparent, il y a quand même une redoutable efficacité. C'est du beau boulot, cette collaboration. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Step Up Pig, JPEG Mafia et Danny Brown. I ain't cut with that top side, my brain fried. Don't do drugs, had two plugs, one test died. I'm up late, no clock, show things pop up. You got broke, talk with a hoe, had a bank roll. Shop never closed, if it ran too slow. Ain't no way, God could never did shit for me. Came up off that stop, had that recipe. Now I do this for my legacy. Top over my dog, gave me an extra three. You ain't never seen no pain, that you off everything. Make your money fresh out and sleep. About me, nigga, who is your man? Brown, got a one extra, like the BBC. What? What girls all on me? But I love my nigga, roll it up. Make her real like Whitney in the bathtub. Satisfied? I be on my lonely worries, I'm no gossip. Niggas pocket watching all up in my wallet. Just keep it on the high touch. You ain't tough, ain't like us. Just be yourself when you need help. Bagging this bitch with the dope, she backing it up for a gram. Baby, I cannot do nothing with hope. I'ma try Molly and Zans. They try to give me the ghost. Boy, you ain't Kai, when touching you banned. 90 degrees with a coat, ho, and I ain't showing my hands. I make it harder to breathe. I can't relate my emotions. I keep them both in my sleeve. I need more time to myself, I don't need advice, I just need to be. Bagging this bitch was the issue, bitch, they buckle you off the leash, fuck em. Don't got nothing for me. It's like I've been working for crumbs. Now I'm feeling free as my speech. Call a capital free agent. Cap the salary, free up my teenies. Y'all rap like replacements. They can't find a replacement for me. When I stalk your page and I see you living life, respect for me. And I tell myself you ain't know her worth, and I draft apologies. Fuck. Check it out, man. Step it. These niggas act like I owe them. These niggas be dick riding for grown ass men that don't even know them. They don't even come outside, don't even see man's late night like Conan. They offer that 2-chair high and sales, just can't let it go like Frozen. Bet if I let off these shots, no games, you finna just dance like Goten. White people love making excuses and bitching, I guess that's what culture is for them. You know that this shit don't stop, like men that hate me usually talking is brothers hell and just mad people loving for me while they put on a front still nobody knows. They don't like when I talk like this, cause they know that that shit is for them. These cracks love talk about me and thinking like it's my job to ignore them. Bitch, please. Still rich, still pretty, still touring. Still lit, still gritty, y'all boring. I don't fuck with you niggas like Hogan. Trigger finger, just be glitching his program. I ain't taking disrespect from no man. Niggas rap about guns, don't own them. Y'all sipping liquor, you can't even hold them. I'm taking shots every day like DeRozan. One man, five tools, diving for jewels. Now we're playing by my rules. I prefer to do it crudely, searching for the breaks that elude me. All day working with the lab techs. Monster, and I'm sponsored by Brand X. Super advanced like the Aztecs. Gotta drive wonderful Grand X. Fastball throwing down the middle, maybe helps if the hitter thinks that you're a little crazy. Whack MCs fail to enamor. Everything looks like a nail to a hammer. 10 years living in exile. Don't ask why, classified X-File. Unloading the beats and rhymes, either or. Stevedore, shout out to Grand Wizard Theodore. S-U-P-E-R, that's super. D-O-P-E, super dope. 247-365, dope, dope, dope, dope. S-U-P-E-R, that's super. D-O-P-E, super dope. 247-365, dope, dope, dope, dope. I'm a bona fide silly person. Let's ride the whirlwind, Millie Perkins. Still working outside the orthodoxy. I think Spider-Woman's sorta foxy. Clearing a path, I take my own course. Weight training like I'm playing pro sports. Ain't no way I'm taking no shorts. Blown microphone in my left hand. This is 87 era Def Jam. Because I'm a rebel without applause. The studio setup is makeshift. In this now, I can't escape it. I sleep at night in a snake pit. Things are about to go apeshit. S-U-P-E-R, that's super. D-O-P-E, super dope. 247-365, dope, dope, dope, dope. S-U-P-E-R, that's super. D-O-P-E, super dope. 247-365, dope, dope, dope, dope. Birmingham screwdriver, scuba diver straight, swimming through fire. Power up the Vic 20, tick with it, make a bit of quick money. Coming with the straight dope force feed, number one engage warp speed. This one's for the dessert lovers, full send Gary Young Dirk Brothers. Yo, I'm high vibration, snap crackling like fried bacon. Used to be the voice in nerds, now it's a bad choice of words. Flying before I was allowed to run, it's easy, let me show you how it's done. Whole army, take them on to the break of dawn. S-U-P-E-R, that's super. D-O-P-E, super dope. 247-365, dope, dope, dope, dope. S-U-P-E-R, that's super. D-O-P-E, super dope. As a little baby, my first tooth was gold. Yeah, my first words, yes, yes, no. Come on. I'm b-boying in diapers, programming drum machines in preschool. Miniature muscular genius ass toddler. Yeah, yeah. I was on the ones and twos before I learned how to ride a bike. Super dope. Voilà, juste après JPEG Mafia et Danny Brown. On a pu écouter un extrait de l'album Super Dope, l'extrait s'appelait d'ailleurs Super Dope, de rappeur canadien Buck 65. alias Richard Terfri de son vrai nom. C'est son 18e album depuis 1996. C'est un Canadien, il vient d'Halifax. C'est un album de 15 titres, assez court, 40 minutes au plus. C'est quelqu'un qui n'avait rien fait depuis 2015 et qui s'est bien rattrapé là, puisqu'il a fait un album King of Dreams en 2022, à côté duquel j'étais totalement passé. Et cette année, donc, il a sorti cet album Super Dope et un autre album Punk Rock B-Boy. Voilà, donc c'est un retour en force. C'est quelqu'un qui s'était fait connaître notamment pour son hip-hop varié, mêlant des éléments de pop, de blues, de folk ou de drum and bass. Capable également d'aller vers de l'abstract hip-hop, il s'était assez proche du label Anticon à un moment. Il a un flow très personnel qui peut muer à tout moment en voix de crooner. Voilà, et sur cet album-là, il revient vers la fraîcheur festive du hip-hop des origines. C'est plein d'efficacité et d'intensité. On poursuit avec le second album de la semaine qui s'appelle Hormicord Real Book et qui est signé de la grande Michelle Ngeocello, qui est une musicienne, bassiste, chanteuse et compositrice qui nous vient de Washington DC, qui sort là son 13e album depuis 1993 et qu'on présente souvent comme la papesse de la New Soul américaine. Alors c'est une New Soul extrêmement personnelle et jazzy, hein. Sur cet album, il y a des textes assez puissants, des mélodies, un groove particulièrement envoûtant et un côté assez intimiste en même temps, c'est un peu contradictoire. Il y a beaucoup d'invités comme Ambrose Akimuzin, Joel Ross, Corey Henry, Jeff Parker, le guitariste jazz, Joanna the Police Woman, Tandy Swah, la chanteuse afro-américaine, qui fait beaucoup de l'afrobeat justement, ainsi que des musiciennes de jazz tels que le pianiste Jason Moran ou l'harpiste Brandy Younger. Beaucoup de voix riches et harmonieuses, Justin Hicks, Kenita Miller et Jade Hicks en particulier, qui amènent une douceur et une chaleur certaines aux morceaux de cet album. Voilà, on va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Towers avec Joel Ross en invité et le second s'appelle Virgo, est assez long, avec Brandy Younger et Julius Rodriguez. Michelle Ngeocello, c'est parti. Remember that it all came crashing down. to the stars. La la, deep outer space. Calling me. matin, c'était le morceau Virgo, donc tiré de The Omnicord Real Book, l'album de la grande Michelle Ngeocello, qui était notre second album de la semaine. On poursuit avec une séquence un petit peu pop tranquille, on commence avec Mac DeMarco, le Canadien qui vient de sortir son cinquième album depuis 2012. L'album s'appelle Five Easy Hot Dogs. Il n'avait rien sorti depuis 2019. Et Here Comes the Cowboys. Donc c'était, je pense, dû à une panne un peu d'inspiration. Et cette inspiration, il est allé la retrouver en faisant une espèce de road movie entre l'Utah et Los Angeles. Il vadrouillait de motel en motel. Justement pour essayer d'écrire des chansons, et il a sorti un album composé de 14 morceaux instrumentaux. Alors c'est bizarre d'être instrumentaux parce qu'il a une très belle voix, très attachante, hein. Lui qui s'est fait connaître justement avec cette voix qui amenait un petit peu un côté indolent et facile dans ses morceaux, mais c'est pas grave, l'album tient la route justement. Il a un côté assez rêveur, il conserve cette indolence. Et notez que la démarche lui a permis de retrouver l'inspiration, puisqu'il a sorti encore un autre album cette année qui s'appelle On YNG, et dont on reparlera peut-être. Donc le morceau qu'on va écouter s'appelle Portland. Mac DeMarco, c'est parti. Thank you. love from you. No, I can't keep my love from you. Tell me what you want to do. We'll be talking all night through. I don't wanna see another hour go. I don't wanna see another hour go. I've been waiting around standing at the door. Donc juste après Mac DeMarco, on est resté à la pop tranquille avec un extrait de Small Town Stardust, cinquième album depuis 2006 de King Tuff, Kyle Thomas de son vrai nom, musicien qui vient du Vermont. L'album alterne compo pop ensoleillé 60s-70s, très mélodique et des ballades plus mélancoliques. Voilà, c'est assez cool. Le morceau qu'on essaie de s'écouter s'appelle Tell Me, pardon. On poursuit avec une séquence un petit peu pop diva et on commence avec un extrait du 9e album depuis 2010 de Lana Del Rey, album généreux, hein, 16 titres, 1h17 de musique, donc c'est de la pop mélancolique aux arrangements orchestraux, parfois à la limite du grandiloquent, un certain sens de la prise de risque sur quelques morceaux, prise de risque contrôlée, des ambiances un peu lynchiennes parfois, comme elle a l'habitude, et donc toujours, si à boire et à manger sur cet album, il y a toujours quelques chansons merveilleusement écrites. Donc l'album s'appelle Did You Know That There Is a Tunnel Under Ocean Boulevard, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Candy Necklace. Il fait intervenir un invité, un certain John Baptiste. Lana Del Rey, c'est parti. God, I love you, baby. Fortune teller, should address this. Acting like the young and restless. I'm obsessed with this. All his candy necklaces. I'm falling anymore. I'm crying up, panic, I lay on the floor. Now that I'm down, I can't fall anymore. Can't fall anymore. I'm crying up, panic, I lay on the floor. Juste après Lana Del Rey, on a peut-être écouté une future diva, à savoir November Ultra, la franco-hispanique qui s'est fait connaître à coups de millions de vues sur YouTube. C'est un extrait de son premier album, Bedroom Walls, pardon. Justement, avec des morceaux entièrement composés dans sa chambre, même s'ils ne sont peut-être pas enregistrés dans sa chambre, hein, y a de gros moyens derrière, je pense. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Monomania et c'est un album qui est entre pop de chambre, ritournelle synthétique et folk et qui est plutôt intéressant. On va terminer cette émission avec le troisième dernier album de la semaine signé du grand T-Maker. L'album s'appelle No Higgs, son 11e album depuis 2001. Dieu sait qu'on aime T-Maker ici, j'ai été album de la semaine avec Rimeness 1972 en 2011, Virgin en 2013, Love Stream en 2016, Konoya en 2018, donc c'est toujours du drum ambient, c'est toujours chez Cranky. Cet album-là est assez proche de l'album Virgin, justement, 2013. Il alterne cathédrale sonore, glacée et atmosphérique, ambiance sombre, avec des courts morceaux plus minimalistes, terriblement envoûtants. Voilà, notez également qu'il intervient des bombardements de saxophones venus d'ailleurs de Colin Stetson, son compatriote, sur certains morceaux. On va écouter deux morceaux pour terminer donc cette émission. Le premier s'appelle Monotomy, le second s'appelle Total Garbage. Monotomy, c'est plutôt cathédrale sonore. Total Garbage, c'est plutôt morceau minimaliste. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à dans 15 jours.